Thank you. que la mer folie, mon âme surprise assaillie. Sur la terre, secourons-le. qui m'appelle. C'est moi, ma mère. Ma mère. Qui me pardonne. Votre compagnie, jamais de m'annoncer du village, j'entends là-bas, avec ses voix, un bruit de pas, je tremble. Mon fils est revenu. la blanche.